Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, édition Furne et Compagnie, 1865. Quatrième partie, Jérusalem, suite. Fondation de Jérusalem, les croisades. Le 8 octobre à 5h du matin, j'entrepris avec Ali Aga et le drogman Michel la revue de l'intérieur de la ville. Il faut nous arrêter ici pour jeter un regard sur l'histoire de Jérusalem. Jérusalem fut fondée l'an du monde 2023, par le grand prêtre Melchizedek. Il la nomma Salem, c'est-à-dire la paix. Elle n'occupait alors que les deux montagnes de Moria et d'Acra. 50 ans après sa fondation, elle fut prise par les Jébuséens, descendants de Jébus, fils de Chanaan. Ils bâtirent sur le mont Sion une forteresse à laquelle ils donnèrent le nom de Jébus, leur père. La ville prit alors le nom de Jérusalem, ce qui signifie vision de paix. Toute l'écriture en fait un magnifique éloge. Jérusalem, ville sainte, tu brilleras d'une lumière éclatante, et tu seras adoré de tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Tobie 13, 11 et 13, 13. Josué s'empara de la ville basse de Jérusalem, la première année de son entrée dans la terre promise. Il fit mourir le roi Adonizédek et les quatre rois d'Hébron, de Jérimol, de Lachis et d'Églon. Les Jébuséens demeurèrent les maîtres de la ville autour de la citadelle de Jébu. Ils n'en furent chassés que par David, 824 ans après leur entrée dans la cité de Melchizédek. David fit augmenter la forteresse de Jébus, et lui donna son propre nom. Il fit aussi bâtir sur la montagne de Sion un palais et un tabernacle, afin d'y déposer l'arche d'alliance. Salomon augmenta la cité sainte. Il éleva ce premier temple dont l'écriture et l'historien Joseph racontent les merveilles, et pour lequel Salomon lui-même composa de si beaux cantiques. 5 ans après la mort de Salomon, Sézac, roi d'Égypte, attaqua Roboam, prit et pilla Jérusalem. Elle fut encore saccagée 150 ans après par Joas, roi d'Israël. Envahie de nouveau par les Assyriens, Manassès, roi de Juda, fut emmené captif à Babylone. Enfin, sous le règne de Sédécias, Nabuchodonosor renversa Jérusalem de fond en comble, brûla le temple, et transporta les Juifs à Babylone. Sion sera labourée comme un champ, dit Jérémie, Jérusalem deviendra un monceau de pierres. Jérémie 26, 18. Saint Jérôme, pour peindre la solitude de cette ville désolée, dit qu'on n'y voyait pas voler un seul oiseau. Le premier temple fut détruit 470 ans 6 mois et 10 jours après sa fondation par Salomon, l'an du monde 3513, environ 600 ans avant Jésus-Christ. 470, 7 ans s'étaient écoulés depuis David jusqu'à Sédécias. Et la ville avait été gouvernée par 17 rois. Après les 70 ans de captivité, Zorobabel commença à rebâtir le temple et la ville. Cet ouvrage, interrompu pendant quelques années, fut successivement achevé par Esdras et Néhémie. Alexandre passa à Jérusalem l'an du monde 3583. Et offrit des sacrifices dans le temple. Ptolémée, fils de Lagus, se rendit maître de Jérusalem, mais elle fut très bien traitée par Ptolémée Philadelphe, qui fit au temple de magnifiques présents. Antiochus le Grand reprit la Judée sur les rois d'Égypte, et la remit ensuite à Ptolémée Évergète. Antiochus Épiphane saccagea de nouveau Jérusalem, et plaça dans le temple l'idole de Jupiter olympien. Les Maccabées rendirent la liberté à leur pays, et le défendirent contre les rois de l'Asie. Malheureusement, Aristobule et Hyrcane se disputèrent la couronne. Ils eurent recours aux Romains qui, par la mort de Mithridate, étaient devenus les maîtres de l'Orient. Pompée accourt à Jérusalem. Introduit dans la ville, il assiège et prend le temple. Crassus ne tarda pas à piller ce monument auguste que Pompée vainqueur avait respecté. Hyrcane, protégé de César, s'était maintenu dans la grande sacrificature. Antigone, fils d'Aristobule, empoisonné par les Pompéiens, fait la guerre à son oncle Hyrcane et appelle les Parthes à son secours. Ceux-ci font sur la Judée, entrent dans Jérusalem et emmènent Hyrcane prisonnier. Hérode le Grand, fils d'Antipater, officier distingué de la cour d'Hyrcan, s'empare du royaume de Judée par la faveur des Romains. Antigone, que le sort des armes fait tomber entre les mains d'Hérode, est envoyé à Antoine. Le dernier descendant des Maccabées, le roi légitime de Jérusalem, est attaché à un poteau, battu de verges et mis à mort par l'ordre d'un citoyen romain. Hérode, demeuré seul maître de Jérusalem, la remplit des monuments superbes dont je parlerai dans un autre lieu. Ce fut sous le règne de ce prince que Jésus-Christ vint au monde. Archélaüs, fils d'Hérode et de Mariam, succéda à son père, tandis qu'Hérode Antipas, fils aussi du grand Hérode, eut la tétrarchie de la Galilée et de la Pérée. Celui-ci fit trancher la tête à Saint Jean-Baptiste, et renvoya Jésus-Christ à Pilate. Cet Hérode le tétrarque fut exilé à Lyon par Caligula. Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand, obtint le royaume de Judée, mais son frère Hérode, roi de Chalcide, eut tout pouvoir sur le temple, le trésor sacré et la grande sacrificature. Après la mort d'Agrippa, la Judée fut réduite en province romaine. Les Juifs s'étant révoltés contre leur maître, Titus assiégea et prit Jérusalem. 200 000 Juifs moururent de faim pendant ce siège. Depuis le 14 avril jusqu'au 1er juillet de l'an 71 de notre ère, 115 880 cadavres sortirent par une seule porte de Jérusalem. Note de la troisième édition. N'est-il pas singulier qu'un critique m'ait reproché tous ces calculs, comme s'ils étaient de moi, et comme si je faisais autre chose que de suivre ici les historiens de l'Antiquité, entre autres Joseph, l'abbé Guéné et plusieurs savants ont prouvé au reste que ces calculs ne sont point exagérés. Fin de la note. On mangea le cuir des souliers et des boucliers, on en vint à se nourrir de foin et des ordures que l'on chercha dans les égouts de la ville. Une mère dévora son enfant. Les assiégés avalaient leur or. Le soldat romain qui s'en aperçut égorgeait les prisonniers, et cherchait ensuite le trésor recelé dans les entrailles de ces malheureux. 1100 000 Juifs périrent dans la ville de Jérusalem, et 238 460 dans le reste de la Judée. Je ne comprends dans ce calcul ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards emportés par la faim, les séditions et les flammes. Enfin, il y eut 99 200 prisonniers de guerre. Les uns furent condamnés aux travaux publics. Les autres furent réservés au triomphe de Titus. Ils parurent dans les amphithéâtres de l'Europe et de l'Asie, où ils s'entretuèrent pour amuser la populace du monde romain. Ceux qui n'avaient pas atteint l'âge de 17 ans furent mis à l'encan avec les femmes. On en donnait 30 pour un denier. Le sang du juste avait été vendu 30 deniers à Jérusalem, et le peuple avait crié, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Matthieu 27, 25. Dieu entendit ce vœu des Juifs, et pour la dernière fois il exauça leur prière, après quoi il détourna ses regards de la terre promise et choisit un nouveau peuple. Le temple fut brûlé 38 ans après la mort de Jésus-Christ, de sorte qu'un grand nombre de ceux qui avaient entendu la prédiction du Sauveur purent en voir l'accomplissement. Le reste de la nation juive s'étant soulevé de nouveau, Adrien acheva de détruire ce que Titus avait laissé debout dans l'ancienne Jérusalem. Il éleva sur les ruines de la cité de David une autre ville à laquelle il donna le nom à Aelia Capitolina. Il en défendit l'entrée aux Juifs sous peine de mort, et fit sculpter un pourceau sur la porte qui conduisait à Bethléem. Saint Grégoire de Nazianze assure cependant que les Juifs avaient la permission d'entrer à Aelia une fois par an pour y pleurer. Saint Jérôme ajoute qu'on leur vendait au poids de l'or le droit de verser des larmes sur les cendres de leur patrie. 585 000 Juifs, au rapport de Dion, moururent de la main du soldat dans cette guerre d'Adrien. Une multitude d'esclaves de l'un et de l'autre sexe fut vendue aux foires de Gaza et de Mambré. On rasa 50 châteaux et 985 bourgades. Adrien bâtit sa ville nouvelle précisément dans la place qu'elle occupe aujourd'hui, et, par une providence particulière, comme l'observe Doubdan, il enferma le mont Calvaire dans l'enceinte des murailles. À l'époque de la persécution de Dioclétien, le nom même de Jérusalem est aussi totalement oublié, qu'un martyr ayant répondu à un gouverneur romain qu'il était de Jérusalem, ce gouverneur s'imagina que le martyr parlait de quelque ville factieuse bâtie secrètement par les chrétiens. Vers la fin du 7e siècle, Jérusalem portait encore le nom d'Aelia, comme on le voit par le voyage d'Arculphe, de la rédaction d'Adamanus, ou de celle du vénérable Bède. Quelques mouvements paraissent avoir eu lieu dans la Judée sous les empereurs Antonin, Septime Sévère et Caracalla. Jérusalem, devenue païenne dans ses vieilles années, reconnut enfin le Dieu qu'elle avait rejeté. Constantin et sa mère renversèrent les idoles élevées sur le sépulcre du Sauveur, et consacrèrent les saints lieux par des édifices qu'on y voit encore. Ce fut en vain que Julien, 37 ans après, rassembla les Juifs à Jérusalem pour y rebâtir le temple. Les hommes travaillaient à cet ouvrage avec des hottes, des bêches et des pelles d'argent. Les femmes emportaient la terre dans le pan de leur plus belle robe, mais des globes de feu, sortant des fondements à demi creusés, dispersèrent les ouvriers et ne permirent pas d'achever l'entreprise. Nous trouvons une révolte des Juifs sous Justinien, l'an 501 de Jésus-Christ. Ce fut aussi sous cet empereur que l'église de Jérusalem fut élevée à la dignité patriarcale. Toujours destinée à lutter contre l'idolâtrie et à vaincre les fausses religions, Jérusalem fut prise par Chosroès, roi des Perses, l'an 613 de Jésus-Christ. Les Juifs répandus dans la Judée achetèrent de ce prince 90 000 prisonniers chrétiens et les égorgèrent. Héraclius bâtit Chosroès en 627, reconquit la vraie croix, que le roi des Perses avait enlevé, et la reporta à Jérusalem. 9 ans après, le calife Omar, troisième successeur de Mahomet, s'empara de Jérusalem, après l'avoir assiégé pendant 4 mois. La Palestine, ainsi que l'Égypte, passa sous le joug du vainqueur.